Merci de votre présence. On a peut-être un peu modifié le programme initial pour tenir compte des horaires d'arrivée des uns et des autres. Alors, doucement, parce qu'il y a la traduction et il serait bien de savoir pour les traducteurs. Le principe des controverses, c'est de s'emparer de questions, de problématiques, d'interrogations sur la question de l'eau, sur des thèmes qui ne font pas consensus, qui suscitent le débat, et de demander à deux intervenants, on va voir après la liste des thèmes qui vont être abordés jusqu'à cet après-midi, et de demander à deux intervenants d'exprimer chacun leur position, et ensuite de vous donner la parole, de vous permettre de manifester votre opinion, de les interroger, tout ça sur des formats assez courts, puisqu'on a organisé une dizaine de controverses, ça se terminera cet après-midi à 15h30, et donc ça va s'enchaîner assez rapidement. Et donc chacun des intervenants va parler tour à tour 10 minutes, et ensuite vous aurez la parole durant 10 minutes, et on passera à un autre thème. Voilà, j'espère que c'est assez clair et compréhensible. Nous ne sommes pas encore très nombreux, il y a un certain nombre d'intervenants qui sont déjà là, donc on va commencer tout de suite pour ne pas prendre trop de retard. Alors, introduire le premier débat en espérant que le second intervenant va nous rejoindre. Je vous présente peut-être brièvement les différents thèmes qui vont être abordés au cours de la journée. Donc on va commencer par une question, on va s'interroger sur le fait de savoir si on a besoin des ONG pour développer l'accès à l'eau. Donc là vont intervenir Thierry Ruff, chercheur à l'IRD, et Mehdi Lalou de l'ACME Maroc. Ensuite on aura une deuxième session, une deuxième intervention sur le thème de la coopération décentralisée, thème sur lequel interviendront Gérard Borvon de l'association SOS et Yves Richard, représentant du CCFD de la coalition Eau. Nous aurons ensuite, alors là de manière un peu polémique, puisque ça s'appelle des controverses, une troisième session qui est intitulée « Droit à l'eau, progrès ou imposture », thème sur lequel interviendront Ricardo Petrella, je salue la présence, il est déjà là, et Henri Smets de l'ADEC qui nous rejoindra tout à l'heure. Ensuite, nous aurons une autre session sur le thème du service public et des différentes modalités d'exercice du service public de l'eau et d'assainissement en France et à l'échelle européenne, donc les différents modes de gestion. Et interviendront respectivement Jean-Louis Linossier de l'Association des consommateurs d'eau du Rhône, de l'ATAC 69, de la coordination des associations de consommateurs d'eau, et ensuite Martin Pigeon, qui est là, qui va nous rejoindre tout à l'heure, qui travaille à Bruxelles au sein du Corporate Europe Observatory. C'est un think tank qui observe l'activité de toutes les multinationales à Bruxelles. Normalement, là, on fait la pause à midi et en reprenant à 13h, on a un débat sur le thème des barrages. Alors, faut-il construire des barrages? Et on aura deux intervenants spécialisés de la question des barrages qui ont chacun participé dans les années 90 aux grandes luttes pour la Loire en France, qui sont Martin Arnoux du WWF France et Roberto Eppol d'European Rivers Network. Ensuite, pour revenir alors sur des thèmes très présents aujourd'hui dans le débat, sur le thème de la tarification de l'eau, nous aurons une autre session donc, qui est intitulée « Accès à l'eau, gratuité ou tarification » et dans laquelle interviendront Emmanuel Poilan de la Fondation France Liberté et Raymond Avrier, qui est déjà parmi nous, qui est maire adjoint honoraire de Grenoble et qui a joué un très très grand rôle dans le retour en gestion publique de l'eau à Grenoble. Donc toujours sur ce thème du prix de l'eau, du paiement de l'eau, nous aurons ensuite une autre intervention sur le thème du prix de l'eau, facture ou impôt. Et là, on aura respectivement Jean-Luc Touly de l'ACME France et Pierre Hamel, dont je salue aussi la présence, qui est un universitaire canadien et qui nous donnera, des informations sur l'état de la réflexion au Canada sur cette question. Et enfin, pour conclure, alors un thème un peu peut-être innovant, hein, on aura aussi une intervention sur les pratiques alternatives en matière de la gestion, en, en matière de gestion de l'eau, et donc là, de manière un peu provocante, toujours dans le cadre des controverses, s'interroger sur savoir si un grand nombre de pratiques alternatives qui se développent aujourd'hui menacent ou non le service public de l'eau d'assainissement tel qu'on le connaît traditionnellement. Donc voilà, très rapidement, alors après il y aura une ultime session, mais dont la localisation n'est pas encore fixée, puisqu'on doit libérer cette salle à 15h30. Et en fait, il y a deux intervenants qui ne pouvaient pas être présents auparavant, donc on va voir en courant de la journée, pour une ultime session qui s'interrogera sur la qualité de l'eau potable, et donc pour savoir s'il faut avoir peur ou non de l'eau potable. Et donc sont prévus respectivement Larbi Bouguera, la Fondation du Progrès de l'Homme, et Michèle Rivasi, qui est députée européenne et fondatrice de la CRIRAC. Donc ça, on va voir en courant de la journée à quel endroit et à quelle heure se tiendra cette session. Donc je vous propose, une fois présenté tout ça, on attend toujours notre second intervenant de la première session, j'espère qu'il va nous rejoindre, Mehdi Lamou. Mais nous avons déjà parmi nous Thierry Ruff, qui est donc chercheur à l'IRD, et je lui passe donc la parole, en m'excusant par avance auprès de lui de lui faire, commencer cette séance, ça va. Commencer à arriver, donc sur le thème des ONG. Et en a-t-on, fait, besoin, des a-t-on ONG besoin des ONG pour développer l'accès à l'eau? Donc Thierry, tu as 10 minutes. Bon, c'est difficile de commencer une controverse sans le partenaire. On va essayer de faire ce qu'on peut. Bon, je connais quand même bien Mehdi Lalou et son combat pour l'eau publique au Maroc, et notamment pour le soutien à différentes communautés qui ont été spoliées de leurs droits d'eau par des investisseurs, notamment des investisseurs privés pour faire de l'eau en bouteille contre le village de... j'ai un trou de mémoire... Ben Smith. Ben Smith, ouais. Alors, bon, la question, a-t-on besoin des ONG pour développer l'accès à l'eau? La première question à se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'une ONG? Qu'est-ce qu'on entend par là? Et je vois qu'il y a deux pistes importantes dans les organisations non gouvernementales. En fait, il y a les organisations non gouvernementales, disons, d'appui, de soutien des pays occidentaux ou des pays, de tous les pays dans lesquels se structurent des gens qui ont une compétence professionnelle et qui la mettent au service de quartiers urbains ou de villages, et donc qui organisent au fond des structures d'appui alternatifs qui sont ni insérées dans le registre public, qui ne dépendent pas de structures gouvernementales, effectivement, même si souvent elles sont très dépendantes de financements gouvernementaux. Et puis, il y a dans cette notion d'organisation non gouvernementale, et concernant l'eau, moi j'intègre aussi tout ce qui émane des bases, des quartiers, des formes associatives où des citoyens, les citoyennes se réunissent et forment des collectifs qui prennent des formes très diverses, qui sont parfois qui s'institutionnalisent pas forcément. Mehdi Lalou en parlerait mieux que moi, mais la forme la plus non gouvernementale qui existe au Maroc, c'est la Jemaa, c'est-à-dire l'assemblée des représentants des familles dans un village qui, en fait, organise de façon très concrète l'accès et le partage de ressources en eau difficiles, souvent dans des conditions historiques qui ont été des conditions difficiles, hein, que ce soit pour l'accès à l'eau potable ou aussi dans tous les pays du Sud, il y a aussi la dimension de l'accès à l'eau pour l'agriculture familiale. Donc, on peut dire que si on regarde un développement historique dans la plupart des pays, les gens se sont constitués en organisation non gouvernementale à l'origine, autour de sources. Ils ont élaboré des réseaux, disons, primitifs, si vous voulez, une première forme de l'accès à l'eau avec des temps de partage. La forme la plus classique du partage de l'eau dans ces communautés, c'est effectivement gérer du temps. Ce ne sont pas gérer ni des volumes, ni des ressources financières. On accède à l'eau par la fondation d'un réseau. Les gens qui travaillent à ce réseau sont membres de droit. Et ensuite, il y a un partage du temps d'accès en agriculture et souvent aussi dans la question de l'abreuvement des troupeaux et dans la question de l'accès à l'eau potable. On va avoir des séquencements et des accords. Alors, du coup, quand on regarde ça, c'est évidemment, cette forme d'organisation est absolument nécessaire dans son principe fondateur, initiateur de colonisation, enfin d'occupation, pardon, de terrain ou de zone rurale où on se rapproche des sources en eau. Et ensuite, il va y avoir tout un travail de consolidation. Il y a un essor aussi, il y a une démographie, et on va avoir surgir un certain nombre de conflits dans ces organisations non gouvernementales locales parce que la ressource en eau est souvent insuffisante par rapport au développement économique et social. Et puis il y a des concurrences qui s'établissent. Et dans ce cas-là, les organisations toutes seules ont du mal à trouver des arbitrages et on va chercher à un niveau politique, à un niveau englobant, soit le recours à des organisations régionales, voire à des organisations gouvernementales. Il se crée en fait une société qui s'organise autour de l'eau. Le problème, c'est que dans ce mouvement qui est logique, hein, de répartition spatiale plus large, l'eau devient un enjeu de pouvoir et c'est finalement le pouvoir central qui finit par prendre le pas et petit à petit marginaliser ces organisations locales. On peut dire, l'exemple typique de cette histoire-là, c'est Cochabamba en Bolivie, où tout le monde connaît la guerre de l'eau de Cochabamba, tout le monde connaît l'incompétence et l'absence de compréhension du fonctionnement de la société par la société privée et finalement son rejet par la population. Mais on avait bien là cette histoire d'une ville dont les quartiers s'étaient organisés autour de l'eau, avec des contacts avec les paysanneries qui maîtrisaient les eaux de montagne, et des transferts et des organisations qui ont été absolument niées par la gestion municipale publique dans un premier temps, et en plus par la gestion privée de l'entreprise. Et finalement, dans ce cas-là, on a réinséré finalement ces communautés dans le jeu, dans le débat, dans les demandes, dans les arbitrages. Et on peut bien montrer dans ce cas-là que même une grande ville a besoin d'organisations non gouvernementales locales de type communauté des quartiers pour être un contre-pouvoir à la structure de régulation générale et faire remonter aussi les demandes et l'analyse du fonctionnement quotidien, parce que quand il y a des fuites dans un réseau, quand il y a des tas de choses qui se passent, il faut être très, très proche de ce terrain, le comprendre et rapidement réagir. Alors, plus on va centraliser la gestion de l'eau, plus on va rendre inefficace finalement la gestion quotidienne, la surveillance, etc. Et bon, la centralisation, quand elle prend une forme privée, elle s'appuie sur des outils, des technologies, du capital, de surveillance, enfin des, voyez. Mais ça ne remplace jamais l'homme et ça ne remplace jamais cette nécessité pour moi d'une organisation de quartier. Alors moi je suis chercheur, agronome et géographe, je travaille beaucoup sur les problèmes de répartition de l'eau dans l'agriculture des pays du Sud, mais cette question de répartition, elle s'est rapprochée de la question de la répartition de l'eau potable, parce qu'en fait tous les paysans du Sud réclament aussi un accès à l'eau potable digne et c'est l'une des revendications majeures maintenant, en dehors des conflits sur l'eau agricole. D'ailleurs, ils n'opposent pas non plus l'eau agricole et l'eau potable, comme ici on essaie de le faire dans le Forum mondial, où on essaie de dire qu'il y a une crise parce que l'agriculture est absolument surconsommatrice d'eau. Dans beaucoup de situations locales, ce sont des choses qui se comprennent et qui se comprennent à ce niveau des organisations non gouvernementales, territorialisées, dont l'avantage est cette richesse humaine, mais dont le désavantage est le fractionnement et l'absence de vision globale. Alors maintenant, est-ce qu'on a besoin de l'autre type d'ONG, c'est-à-dire les ONG de type professionnalisante, qui regroupent au fond des gens qui ont une démarche souvent d'éducation, d'ingénierie de l'eau, de technique de l'eau, mais aussi qui ont aussi une démarche qui vient aussi des conflits sur l'eau, parce qu'il y a toute une série de personnes, dans, notamment dans les pays du Sud, qui se sont retrouvées appuyées des revendications sous forme de droit d'eau, sous forme de défense auprès des tribunaux. Hein, la gestion de l'eau, c'est souvent d'ailleurs, ça prend souvent cette forme-là de conflit matérialisé dans des procédures qui sont parfois très complexes, très lourdes. Et finalement, ces ONG, une grande partie d'entre elles, se sont légitimées auprès des communautés dont je parlais au départ, parce qu'elles ont réussi à la fois à aider du point de vue de la défense formelle, mais aussi à aider du point de vue de la représentation de problèmes complexes, intercommunautaires. Et au fond, il y a une émergence de grands mouvements. Moi, je pense particulièrement à l'Amérique andine, au Pérou, en Bolivie, en Équateur, où finalement les grandes ONG sont parties de l'expérience du terrain et sont maintenant des mouvements absolument indispensables à la vigilance sur les politiques publiques de l'eau, etc. Donc elles sont indispensables quand elles ont ce processus. Il y a un troisième type d'ONG, il faut peut-être rentrer un peu dans la controverse, c'est-à-dire d'ONG qui vont avoir une démarche, je ne vais pas citer de nom parce que je vais vous faire... mais une démarche qui part un peu des pensifs de l'action d'accompagnement pour le tiers-monde, de l'eau pour tous, etc., avec finalement une démarche qui ressemble à une démarche d'intervenant extérieur, mais plus soft. Ce n'est pas des entreprises privées, mais ça va aller quand même vers une sorte de responsabilité institutionnelle. On va parler beaucoup de la tarification, on va s'engager sur des opérations qui vont parfois être utiles. Hein. Il faut aussi ne pas caricaturer dans la critique de ce processus. Il y a des situations concrètes qu'il faut analyser froidement, et donc il ne faut pas tout mettre dans le même sac. Mais il y a parfois effectivement une sorte de processus ambigu qui est, à mon avis, aussi lié au fait que ces ONG abordent le terrain non pas comme un appui à un mouvement social revendicatif, mais plutôt comme une recherche d'intervention, et finalement rencontrent les notables locaux et construisent avec ces notables un projet, mais qui est probablement un projet qui manque de recul. Je ne veux pas être non plus trop pas assassiner ce genre de choses, d'autant que de toute façon les grandes majeures de l'eau internationales de toute façon font pas le nécessaire quand même dans tout ce domaine des quartiers périphériques et surtout des zones rurales, où cette revendication pour l'accès à l'eau potable est une revendication essentielle et qui trouve des solutions pour l'instant très fractionnées, très difficiles, et dont il faut tirer des enseignements par des rencontres, hein, par des plateformes de discussion, par l'organisation d'un contre-pouvoir. Bon, je travaille beaucoup sur cet équilibre institutionnel entre le public, le privé et le communautaire. Et les ONG doivent faire cette construction du contre-pouvoir, sinon on aura toujours une bataille simplificatrice entre gestion publique et gestion privée. Non, il faut, nous citoyens, absolument aborder cette question de l'accès à l'eau. Et donc globalement, mon idée, c'est quand même que les organisations gouvernementales sont une clé indispensable, parce qu'elles organisent le contre-pouvoir de toute façon. Merci Thierry. J'ai eu l'exercice difficile d'initier une controverse entre alter ego. Donc je constate que Mehdi n'est pas encore là. Peut-être une petite chance qu'il nous rejoigne, mais bon, moi je suis de tenir compte de l'horloge et préparer la suite. Donc je vous propose maintenant, dans l'hypothèse où Mehdi nous rejoindrait, on prend un petit temps de 10 minutes. Vous pouvez échanger avec Thierry et nous manifester sur tout ce qu'on vient d'évoquer, entre vous. Enfin voilà. On se donne 10 minutes pour revenir sur ce premier thème. Est-ce que les ONG, disons, sont indispensables? A-t-on besoin des ONG pour développer l'accès à l'eau? Donc c'est à vous pour 10 minutes. Il y a une question. Oui. Il faut prendre le micro, excusez-moi, pour assurer la traduction. Vous pouvez parler en français, en anglais, en espagnol. Parlez dans la langue natale. Moi, je suis de la Grande Nation Île-de-France. Ma question, c'est peut-on définir les critères... Et il marche par le micro, apparemment. Si. Alors rapprochez-le de oui. Parler plus fort. Pas de problème. Vas-y. Bon, alors ce que je voulais dire, c'est que est-ce qu'on peut définir